Vous me dites quand c'est bon, quand je commence. On attend peut-être une minute que les gens se connectent. Alors, donc bonjour à tous, je vous propose qu'on attende encore une petite minute et puis ensuite on débutera. Du coup, je vous propose de commencer, de pas attendre plus que ça. Donc, je me présente. Donc, je suis Romain Galard. Donc, je suis chercheur associé à l'Université de Nanterre et également, j'ai une double casquette. Donc, je suis salarié de l'association Appui. Avant de commencer, quero dizer para os lusófonos que têm possibilidade de tradução, então é só ir no, naquele pequeno signo de interpretação e colocar português. Donc, du coup, je vous remercie à toutes et tous d'être présents. J'en profite tout de suite pour remercier les organisateurs. Alors, je pense à Marie pour l'appui logistique. Je pense aussi également à Élise et Pedro pour la traduction. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le séminaire public de la NRCopolis, qui est encore aujourd'hui en virtuel, malgré le déconfinement progressif. La NRCopolis, donc, qui est aussi intitulée Coproduction sociale de la ville et recherche citoyenne, regard croisé sur les quartiers populaires et précaires en France et au Brésil. Et c'est une recherche qui est coordonnée d'une part en France par Agnès de Boulay et d'autre part au Brésil par Joancette Whittaker, qui sera d'ailleurs discutant de la séance aujourd'hui. Donc, ce projet, il est financé par l'Agence nationale de la recherche et il est porté par plusieurs laboratoires, dont le LAVU, avec le Céraps, le Lats et le Léreps. Par ailleurs, et c'est une de ses originalités, il se fait en partenariat avec plusieurs associations et réseaux de collectifs citoyens. On compte parmi eux Appui, dont je suis également salarié, l'Alliance citoyenne, l'Université populaire de Roubaix et l'Atelier populaire d'urbanisme de Grenoble. Pour ce qui est du Brésil, c'est le même principe de collaboration entre laboratoires et associations ou collectifs citoyens qui a été retenu. Donc le point de départ de cette recherche, il repose sur un constat principal. Donc loin de la participation citoyenne descendante mise en œuvre, si ce n'est promue par la majorité des politiques publiques, de nombreux pays voient se multiplier des expériences de planification populaire et des initiatives de coproduction urbaine qui réunissent des acteurs de la société civile, des universitaires et des professionnels de l'urbanisme qui sont parfois appuyés par des acteurs qu'on dirait intermédiaires. Donc sur ces questions urbaines, il y a des travaux communs qui se construisent dans la réaction à certains projets, et en France, et en particulier sur des projets de rénovation urbaine. Et cela, ça s'accompagne, ces réactions, en fait, elles se traduisent par des constructions d'alternatives, soit de projets alternatifs, soit en termes d'habitat groupé ou coopératif. Donc, à rebours de l'écologisation des technologies, Coopolis insiste donc sur l'importance de l'outillage de la coopération citoyenne pour un développement durable et une ville juste. On observe que ces pratiques, elles produisent des effets sociaux de longue portée qui vont bien au-delà du caractère opératoire, qui ne peuvent être examinés à travers une grandeur économique comme l'efficacité. Dans la pratique, en effet, ces convergences entre acteurs de diverses natures se sont beaucoup positionnées en faveur d'une réévaluation des cadres de la participation instituée. C'est notamment toutes les recherches sur la participation qui ont démontré ça. Donc l'objectif de cette recherche, et donc a fortiori de ce séminaire, vise à explorer les conditions de réalisation de la coproduction lorsqu'elle arrive à dépasser le stade d'idéal et qu'elle commence à être mise en pratique. Et du coup, nous, on s'interrogera au travers cette recherche à ce qu'elle produit, à qui sont ses protagonistes, à sa capacité à produire du changement social, mais aussi à perdurer dans le temps. Finalement, on s'interrogera en quoi est-ce qu'elle améliore le bien-être collectif dans son ressenti et dans des visées de justice spatiale. Finalement, est-ce que ces formes de coproduction, elles permettent des formes d'empowerment? Donc, cette recherche, on a essayé de la préciser où elle se construit autour de quatre axes principaux. Le premier axe, il porte sur la jeunesse et les conditions de développement de ces collaborations. Dans quel cadre la démarche de coproduction se déroule? Quelle est la nature de la demande sociale ou de la demande? Finalement, on s'interrogera sur comment émerge une demande ou une commande. Ensuite, on s'interrogera sur quelles sont les motivations de cette coopération, autour de quels enjeux scientifiques, pragmatiques et politiques les acteurs de ces collaborations ont-ils défini cette demande ou cette commande? Enfin, quel est l'équilibre entre des objectifs cognitifs, scientifiques et ceux de transformation sociale? Qui sont les porteurs de ces différents objectifs? Et finalement, est-ce qu'ils sont associés à des groupes particuliers? Est-ce que finalement les chercheurs portent également des objectifs pas seulement scientifiques, mais également de transformation sociale ou inversement? Le deuxième axe de la recherche, il porte sur les relations entre les contextes politico-institutionnels et les configurations organisationnelles des pratiques collaboratives. Donc, de manière très concrète, on questionnera les répartitions des tâches de travail au sein du projet et la façon dont les universitaires ont contribué. On interrogera également la gouvernance qui a été mise en place. De quelle manière les rapports de pouvoir inégaux ont-ils été pris en compte, s'ils ont été pris en compte? Est-ce que des mécanismes ont été conçus pour assurer un équilibre entre ces différents acteurs, qu'ils soient universitaires, associatifs ou simples habitants ou simples habitants? Comment a-t-on cherché à donner une participation et une capacité d'intervention effective à ces différents partenaires? Et finalement, ces questionnements, ils doivent s'intégrer dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Et donc, on s'interrogera sur comment la crise sanitaire a fait évoluer ces pratiques existantes de coproduction. Le troisième axe d'enquête, il se focalise plus particulièrement sur l'organisation et la circulation des savoirs, et en particulier sur le rôle des acteurs intermédiaires dans leur diffusion et leur traduction. Il s'agit alors d'étudier le rôle de la recherche dans l'ensemble de la démarche, tant du point de vue des méthodes que des objectifs poursuivis. Finalement, le dispositif, est-ce qu'il a permis d'accueillir des publics qui sont traditionnellement éloignés de la recherche? Et est-ce que dans la construction de ces collaborations, l'inclusion de différents publics a été prise en compte? Dans ce cadre, du coup, quel est le rôle des acteurs intermédiaires et avec quels résultats? Ainsi, de quelle façon la collaboration entre différents acteurs contribue-t-elle à l'hybridation des savoirs existants et à la construction de nouveaux savoirs? De quelle façon la recherche participative contribue-t-elle à une redéfinition des postures, des positions des uns et des autres parmi cette pluralité d'acteurs? Enfin, le dernier axe, il se focalise plutôt sur ce que ces recherches participatives produisent, ce que les collaborations entre acteurs et chercheurs génèrent. Et donc, on se posera de la question de la légitimité scientifique, sociale et politique de ces recherches. Par quelles instances, individus, groupes est-elle posée et éventuellement évaluée? On s'interrogera également sur les façons On s'interrogera sur la façon d'associer quelle place ce type de recherche fait-il à la neutralité axiologique et comment il bouscule la dichotomie entre neutralité et recherche engagée. Finalement, quels outils sont employés pour garantir l'objectivation de la démarche? Comment fait-on pour évaluer l'impact de ces recherches en matière de durabilité, de transformation sociale et d'empowerment? Et finalement, comment ces recherches, elles viennent finalement bousculer cette dichotomie du coup entre neutralité et recherche engagée. Donc, l'ensemble de ces questionnements, ils sont à chaque fois interrogés au travers de ce séminaire qui vise à donner la possibilité à d'autres chercheurs ou acteurs ayant participé à des coproductions de s'exprimer et de discuter de leur expérience à travers cette grille. L'objectif, comme cette recherche, c'est que ce séminaire soit ouvert à différents publics et qu'il soit un lieu de dialogue et en même temps de formation. Et du coup, on propose d'ouvrir à des protagonistes non-chercheurs qui ont participé à des expériences de coproduction. Et donc, aujourd'hui, c'est un... Alors, comment je pourrais dire ça? Ce séminaire, si je vais le dire différemment, le séminaire, en fait, il se distingue entre deux types de séances. Il y a des séances très universitaires et des séances, enfin, quand je dis très universitaires, c'est des universitaires qui présentent les démarches et les expériences, et d'autres qui ne le sont pas, où c'est des collectifs d'habitants qui présentent leurs démarches et qu'on a nommé, du coup, recherche-formation. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'une recherche-formation et on voulait vous parler d'une expérience particulière, d'une mobilisation qui a abouti à l'écriture d'une proposition de loi portée notamment par un député qui est le député François Ruffin. Et donc, ce cas, il est un peu particulier parce que j'ai moi-même participé à l'écriture de ce travail avec Xavier Desjonquières, qui est ici présent, qui est donc de la commission Rénovation urbaine d'Étouvie à Amiens, qui est une émanation de la table de quartier de la même ville, et également de Bénédicte Madelin, qui est membre de la coordination nationale Passons-nous. Donc, Xavier et Bénédicte, ils vont nous présenter cette expérience et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de le faire. Et du coup, ils disposeront chacun de un quart d'heure, 20 minutes pour expliciter leurs propos. Et ensuite, João Whittaker, donc, qui est professeur à l'université de São Paulo, nous fera le plaisir d'échanger à ce sujet. J'en profite pour dire qu'ensuite, la conversation sera ouverte à tous les participants afin que nous puissions un peu voilà, répondre aux différentes suggestions des uns et des autres. Je vous remercie et je passe la main donc à Xavier pour commencer. Bonjour, je ne suis non chercheur universitaire, mais je suis chercheur permanent de voix pour la transformation sociale et la démocratie locale, très locale. Je vais vous parler de la manière dont un collectif d'associations de quartier a essayé depuis 12 ans d'imposer la co-construction de la rénovation urbaine d'un quartier HLM. Cela va de la bonne volonté de départ de ce collectif à la proposition de loi dont Bénédicte va parler après, en passant par une grève de la concertation et par l'affirmation de 9 conditions nécessaires à la co-construction. Étouvie, le quartier d'Étouvie, est à l'origine un quartier de 3 000 logements locatifs sociaux. Il est peuplé de 7 000 habitants aujourd'hui. Il est situé à la périphérie de la ville d'Amiens, en Picardie, intégré dans la région Hauts-de-France. Moi, je suis né à la vie sociale à 26 ans en arrivant dans ce quartier où j'ai vécu 10 ans. J'ai été militant d'associations de locataires, puis bénévole au centre social et culturel que j'ai présidé pendant 20 ans et où je suis toujours engagé. Je suis secrétaire d'un collectif d'associations, la commission Rénovation urbaine d'Étouvie, dénommée la CRU, CRUE. Elle a été créée en 2008, peu après l'élection d'une nouvelle municipalité pour laquelle le quartier s'était mobilisé dans l'espoir de ne plus être un quartier oublié et dans l'espoir que commence enfin la rénovation du quartier. La CRU a été lancée par le Centre social et culturel et l'Association des locataires, qui ont été rejoints par le comité de quartier et le café associatif. L'objectif était d'impliquer les habitants dans les concertations annoncées par la nouvelle municipalité et d'être force de proposition. Depuis 2014, je suis animateur bénévole de la table de quartier d'Étouvie, qui, au-delà de la commission Rénovation urbaine d'Étouvie, a développé des expériences de prise de parole au-delà du sujet de la rénovation urbaine. Donc, je vais parler d'abord d'une étape d'apprentissage de la co-construction. En 2008, dès sa création, la Commission Rénovation Urbaine d'Étouville s'est lancée avec espoir et bonne volonté dans une initiative de co-construction, son initiative, de co-construction des choix publics sur la rénovation du quartier. Elle a commencé par élaborer une proposition de programme pour l'aménagement de la place des provinces françaises après la démolition d'une tour et de commerce, puis la reconstruction de logements et de commerces au cœur de la partie la plus ancienne du quartier. L'initiative de ce collectif a permis à une cinquantaine d'habitants de participer en 2009 à des discussions sur les fonctions et les usages qu'avait cette place par le passé et sur leurs attentes pour l'avenir. Un groupe est allé visiter des places dans d'autres quartiers et a questionné leurs habitants. La CRU a ensuite rédigé une proposition de programme qu'elle a soumise à la municipalité qui n'a pas émis de réserve. Puis, après l'étude du projet d'aménagement par un paysagiste, les habitants ont découvert lors d'une concertation publique un projet quasi définitif sur lequel leur avis était demandé uniquement sur le choix des lampadaires, des bancs et des plantations. En regardant attentivement le plan projeté sur un écran, on a découvert qu'aucun espace n'avait été dégagé sur la place pour réinstaller le marché hebdomadaire et accueillir les fêtes de quartier comme autrefois. Ce qui était en contradiction totale avec le programme que la CRU avait proposé. Après un échange très vif avec le paysagiste, puis un bras de fer de plusieurs mois avec la municipalité, qui disait qu'il était trop tard pour changer, puis une grève de la concertation de 6 mois, des modifications du projet ont été obtenues alors que les marchés de travaux étaient déjà signés. Début 2010, la CRU a fait un bilan de la concertation publique et posé ses conditions pour y participer de nouveau. La municipalité a alors créé un comité de concertation permanent. Autre expérience, c'est une action offensive de la CRU pour le supermarché. En 2011, la CRU a engagé une action pour la sauvegarde du commerce qui périclitait. En 2012, le supermarché a fermé comme on pouvait le craindre. La nouvelle municipalité élue en 2014 avec un changement de bord a prévu la transformation du centre commercial en centre administratif sans réserver d'espace pour l'implantation d'un nouveau supermarché. La CRU, la Commission Rénovation Urbaine d'Étouville, a engagé une nouvelle bataille qui durera 2 ans. Enquête de consommation auprès des habitants, contact avec la Chambre de commerce et avec des enseignes commerciales, pétition signée par 1726 personnes, campagne d'affichage, manifestation avec des banderoles. En 2016, la municipalité a cédé après une réunion publique très houleuse où les élus ont violemment attaqué les contestataires. En 2018, une enseigne de supermarché a décidé de s'implanter, puis a renoncé 1 an plus tard. La semaine dernière, une nouvelle enseigne a annoncé son installation prochaine. On a du mal à croire qu'il faille 10 ans pour déboucher et qu'un collectif arrive à maintenir la pression si longtemps. Je vais parler maintenant de l'affirmation de 9 conditions nécessaires à la co-construction. En 2017, avec une universitaire, Myriam Bachir, nous avons organisé une semaine de débat nommée « Inventons la démocratie, notre parole est légitime ». La commission Rénovation urbaine a finalisé à cette occasion sa rédaction de 9 conditions nécessaires à la co-construction à partir d'une analyse de plusieurs années de concertation bidon. Le Conseil citoyen a adopté ce texte, mais aucun dialogue n'a pu s'engager avec les élus locaux à ce sujet. Quelques-uns d'entre nous avons participé à l'écriture du livre dont le titre est « Et si les habitants participaient ?» écrit par Myriam Bachir, enseignante en sciences politiques, en s'appuyant sur l'expérience d'Étouville. Autre petite bataille, en 2019, une petite victoire avant la grande défaite de la rénovation urbaine. Les habitants ont découvert en 2017 le projet de suppression de 2 arrêts de bus dans le quartier. La mobilisation des habitants, l'appui technique du comité des usagers des bus d'Amiens Métropole et la détermination d'un petit groupe qui n'a rien lâché pendant 18 mois a permis de gagner. Mais ça use et on se fait détester par les élus. Et ensuite, défaite désastreuse sur la rénovation urbaine en 2019 et interpellation nationale qui était une nouveauté pour notre collectif. La commission rénovation urbaine d'Étouvie avait fait en 2015-2016 un bilan du premier programme de rénovation urbaine et en 2017, elle avait fait des propositions pour le nouveau programme de rénovation urbaine. Ces propositions ont été validées par le Conseil citoyen, mais jamais discutées avec les élus locaux. Le nouveau programme de rénovation urbaine prévoyait la démolition de 232 logements. La CRU a mené des enquêtes auprès de 90% des locataires des immeubles concernés par les démolitions, au porte-à-porte, puis a fait signer des pétitions dans un deuxième temps. Un compromis avait été esquissé avec le bailleur social, puis avec la municipalité. Mais l'ANRU a été intraitable et la municipalité a cédé à l'ANRU, malgré l'opposition de plus des trois quarts des locataires. Les arguments avancés pour démolir ne tiennent pas la route. Des appartements spacieux et en très bon état étaient décrits comme insalubres par des élus qui ne les connaissaient pas. Des nécessités de désenclavement pour couper des barres étaient incompréhensibles pour les habitants qui circulaient librement à travers les vastes passages en rez-de-chaussée d'immeubles. L'argument du changement d'image du quartier pour faciliter la diversification de la population est perçu par les habitants comme une volonté de les faire disparaître du quartier avec l'habitat auquel ils sont attachés. La commission rénovation urbaine d'Étouvie a interpellé la direction de l'ANRU, des ministres et des députés sans succès. Un habitant du quartier, impliqué depuis plusieurs années dans des expériences de théâtre d'expression sociale grâce au centre social et culturel, a un jour lancé une idée. Faire une proposition de loi à faire débattre et voter par le public dans le cadre du spectacle du Théâtre de l'Unité intitulé Le Parlement, auquel cet habitant devait participer lors de la fête dans la ville en juin 2019. La commission rénovation urbaine a rédigé une proposition d'interdire la démolition de logements HLM sans l'accord d'une majorité des locataires. Lors d'une rencontre avec le député François Ruffin, cette proposition de loi théâtrale a été évoquée en blaguant. Le député l'a prise au sérieux et s'est engagé à soutenir une vraie proposition de loi si on était en mesure de travailler à sa rédaction. On en a parlé avec l'association Appui qu'on avait contactée pour nous aider dans notre bataille. Je laisse la suite à Bénédicte. Merci. Merci. Donc, je vais prendre la suite. Alors, d'abord, je me présente rapidement et je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que c'est ma spécialité, c'est de parler très, très, très vite. Voilà. Je suis membre de la coordination nationale Passe en nous, qui est née suite au rapport de Marie-Hélène Baquet, qui est donc sociologue urbaniste, et de Mohamed Meshmash, qui est une association Assez le feu de Clichy-Montfermeil. Qui ont rédigé un rapport sur comment mettre en œuvre concrètement la participation des habitants dans le cadre de la politique de la ville, à la demande de François Lamy, qui était alors ministre de la ville. Voilà, j'ai fait partie de cette commission et Passons-nous est né du travail de cette commission, un peu sous la forme d'un syndicat des quartiers populaires, des habitants des quartiers populaires. Voilà, donc c'est à ce titre-là. Et puis par ailleurs, quand même, je vais le dire, je suis membre d'appui, adhérente d'appui. Je ne suis pas dans le CA, je ne suis pas dans le bureau, je ne peux pas tout faire. Mais et on est quand même des associations, j'allais dire, très proches dans notre volonté qu'effectivement, les personnes concernées sont les mieux placées pour dire, influer. Elles n'ont pas forcément raison, mais en tous les cas, pour entrer dans le débat public sur des mesures qui les concernent. Sinon, par ailleurs, j'étais professionnelle de la politique de la ville pendant, allez, 30, 35 ans, peut-être plus, peut-être 40 ans, et notamment en Seine-Saint-Denis, donc le département le plus, je ne vais pas dire impacté, j'aime pas ce mot-là, mais le plus concerné par la politique de la ville en France métropolitaine. Voilà, donc quand Appui a lancé cette idée, bien évidemment, j'ai été partante. Alors, pour rédiger ce fameux projet de loi, on est parti quand même d'un certain nombre de constats. Voilà, un certain nombre de constats qui nous disent que finalement, seuls les professionnels ont compétence pour élaborer des projets de loi. Et notamment que l'urbanisme est guidé par un projet urbain qui devient l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le point de départ de tous les projets de rénovation urbaine. Et au nom de ce projet urbain, seuls les habitants eux-mêmes, qui ne sont pas des simples habitants, qui sont des habitants tout court, ça se dit ça par rapport à Romain tout à l'heure, qui eux vivent quotidiennement le quartier, tous les jours, et donc ont des choses à dire sur leur quartier. Et de fait, dans les constats qu'on a pu faire, c'est qu'on a vu qu'au nom du projet urbain, on a commencé à démolir des tas de logements. Dans certains quartiers, peut-être ça se justifiait, mais dans nombre de quartiers, on était en manque de logements. La Fondation Abbé Pierre est là pour nous rappeler de manière régulière. On était en manque de logements et de logements sociaux, de logements accessibles. Et c'est ces fameux logements qui vont être les premiers démolis, souvent parce que c'est les plus anciens et considérés comme... voilà. Derrière se cache d'autres options qui sont effectivement la mixité sociale et faire disparaître de la vue un certain nombre d'habitants parce qu'ils seraient trop pauvres, trop... voilà. Deuxième constat quand même qu'on a pu faire, c'est qu'effectivement les habitants sont toujours traités comme incultes, idiots, on prend les mots que l'on veut, mais en tout cas ils n'ont pas compétences pour comprendre ce qui se passe. Et donc, il nous faut des professionnels, des techniciens, qui, eux, connaissent l'intérêt général. Mais ce qui peut construire un intérêt commun aux habitants d'un territoire, ça, par contre, ce n'est pas pris en compte. Et de fait, ils ne sont pas entendus sur leur choix. Là, ça rejoint bien ce qu'a dit Xavier sur les 9 conditions sur... pour une réelle participation des habitants. Troisième point dans le constat qu'on a pu faire dans l'élaboration de ce projet de loi, c'est que on a les habitants des quartiers populaires face à nous, on a des techniciens, des professionnels qui ont des compétences, que personne ne remet en cause, mais de fait, les habitants n'ont pas de moyens pour éventuellement élaborer un projet, je ne vais pas dire un contre-projet, mais seulement un projet alternatif, qui soit différent de celui qui est proposé par les professionnels et par les techniciens, les urbanistes, les élus aussi, parce que les élus, eux, ils ont tous les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir construire ce projet alternatif, ce projet de rénovation urbaine. Voilà, on est parti de ces trois constat pour élaborer ce projet de loi qui s'appelle « Démocratiser la rénovation urbaine et le logement ». Dans ce projet de loi, on fait quelques propositions. C'est que, un, il faut à tout prix associer les habitants au projet qui les concerne. Ça, c'est vraiment la feuille de route, l'idée fixe, je ne sais pas comment appeler ça, mais d'une certaine manière, une idée fixe qui nous associe tous. On voit bien que les habitants sont rarement pris en compte dans leur choix. Et donc, avec une proposition qui est de co-décider sur le projet urbain et aussi sur le logement social, puisque finalement, les quartiers qui sont soumis à la rénovation urbaine sont le plus souvent des logements sociaux où les habitants sont très peu associés, même le mode de représentation des habitants dans le logement social il n'existe pas réellement, quoi. Voilà. On va dire que on a quelques grandes associations nationales qui vont être élues, mais de fait il n'y a pas de partage de la décision. Voilà, donc dans le projet de loi que l'on a élaboré, que l'on a soumis non seulement à François Ruffin, mais qu'on a aussi soumis à la Commission nationale du débat public, hein, pour qu'elle nous donne un avis sur ce projet de loi, on a un certain nombre de propositions. La première proposition est de garantir le droit à l'information en matière d'urbanisme. Ça, c'est une vieille idée qui était déjà dans le projet de loi LAMI, c'est qu'il faut que les habitants aient accès au dossier. Mais les trois quarts du temps, et c'est les fameux conseils citoyens dont a parlé Xavier Desjonker tout à l'heure, c'était justement ces instances de participation créées dans le cadre de la loi pour la ville et la rénovation urbaine de François Lamy, sauf que souvent, cette information, elle est inaccessible, incompréhensible. Voilà, donc ça nous paraissait le premier point. Il faut garantir le droit à l'information en matière d'urbanisme avec un accès libre et surtout que les documents qui soient transmis soient compréhensibles. Moi, je suis pas urbaniste, hein. Je suis désolée, un document d'urbanisme, je n'y comprends rien. Donc, ce n'est pas normal, je ne peux pas avoir d'avis sur un document sur lequel je ne comprends rien. Voilà, ça c'est pareil, c'était déjà un projet de loi, un amendement qu'on avait fait dans le cadre de la loi de cohésion sociale avec droit au logement, le DAL, donc une association sur le droit au logement, qui n'a pas été pris en compte, mais ça n'empêche qu'il faut le ressasser sans arrêt pour le rappeler. Deuxième grand contenu, c'est qu'il faut donner les moyens pour qu'il y ait réellement un droit à l'initiative des habitants. Ces moyens, ça va être à la fois un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne, donc là qui peut être constitué de différentes manières. Il y avait une proposition à Passons-nous qui était la création d'un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne. Qui était non pas, on nous dit toujours que l'État n'a pas d'argent, c'est pas vrai, c'est faux, il y a toujours autant d'argent en France, voilà, il n'est pas ciblé de la même manière. En tous les cas, Passons-nous, on nous proposait qu'il y ait un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne qui soit constitué de 5% de tout ce que coûte la démocratie parlementaire et élective, pardon. Et donc ça, c'était une deuxième proposition. Et puis, un fonds qui soit également constitué par 1% du montant total des travaux dans le cadre de la rénovation urbaine. 1% du montant hors taxe, c'est déjà des sommes énormes sur chaque projet de rénovation urbaine, mais ça ne coûte pas très cher par rapport aux moyens qui sont dépensés dans le cadre de la rénovation urbaine. Et la deuxième grande proposition sur cet axe-là, c'est le référendum d'initiative citoyenne, sur la démolition et la réhabilitation. Alors ça, c'est une initiative qui a déjà été mise en œuvre à Londres, mais ça a été mis en œuvre récemment à Saint-Denis, d'ailleurs avec le soutien d'appui, avec une municipalité qui a bien voulu entendre cette demande et qui, dans un premier temps, je ne sais pas comment ça va évoluer puisque depuis la municipalité a changé, mais dans un premier temps a suivi le résultat du référendum. Voilà, et c'était en se posant beaucoup de questions sur c'est qui appuie, c'est qui ceux-là, qui viennent faire par derrière, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même suivi l'avis. À Melun, il n'y a pas eu de référendum, mais dans un premier temps, il y a eu des mobilisations citoyennes avec le soutien d'appui et de Passons-nous. Et le maire a, dans un premier temps, renoncé au projet de rénovation urbaine. Demain, ça sera plus compliqué. Parce que, et c'est là que j'ai un petit désaccord avec Xavier, c'est pas que l'ANRU, il faut céder face à l'ANRU, c'est que ça arrange aussi les élus d'obéir à l'ANRU, parce que ça leur permet de changer, entre guillemets, leur population. Voilà. La troisième grande proposition sur une réelle participation des habitants, c'est de faire en sorte que la Commission nationale du débat public, qui n'a pas compétence en matière d'urbanisme, acquiert des nouvelles compétences sur les projets d'urbanisme pour garantir que le débat soit réel. Voilà. Et puis après, on a d'autres propositions, mais qui sont moins directement. Enfin, c'est effectivement d'organiser des assemblées où les élus aient à rendre compte de ce qu'ils engagent, de ce qu'ils font par rapport aux citoyens et aux habitants du territoire sur lequel il y a ces projets de rénovation urbaine. Mais voilà, ça ça paraît, j'allais dire, presque évident, mais en fait, il y a rarement des rendus compte de ce qui se fait. Voilà. C'est un projet de loi qui a été élaboré, j'allais dire, par plusieurs associations, appui bien évidemment, la Coordination nationale Passons-nous, la CRU, mais aussi l'Alliance citoyenne, qui est aujourd'hui un peu, s'appuie beaucoup sur la méthode Alinsky de participation des habitants, et la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Il nous a manqué la signature du DAL, droit au logement, parce qu'ils sont vraiment d'abord sur le droit au logement et que ne parler que de rénovation, enfin, on n'a pas parlé que de ça, mais ils trouvaient qu'on accède trop sur la rénovation urbaine, qui pour nous est une dimension complètement importante, et parce que c'est vrai que cette question de la rénovation urbaine va avoir des effets violents. Je n'hésite pas sur ce terme-là, violence sur la vie ordinaire des personnes. On voit à quel point des personnes se retrouvent du jour au lendemain sans aucune relation sociale parce qu'ils ont été complètement exposés entre différents quartiers. On a démoli leur logement, on les a relogés, ils n'ont pas les mêmes solidarités, ils n'ont pas les mêmes moyens de transport. Vous avez bien parlé tout à l'heure sur la question des moyens de transport, par exemple. Souvent, les personnes les plus en difficulté ont été relogées très loin de là où ils étaient et avec tout leur réseau relationnel qui a complètement disparu. Donc, pour nous, c'est vraiment une autre question, j'allais dire, très essentielle. On ne peut pas faire société si, ensemble, on n'arrive pas à construire réellement et collectivement ce qui fait nos vies quotidiennes, nos territoires. Les habitants ne sont pas complètement incultes, comme le laissent entendre bien souvent les politiques publiques. Ils ont des savoirs qui ne sont pas seulement des savoirs d'expérience, ils ont des savoirs, tout bêtement, qui ne sont jamais mobilisés pour mettre en œuvre les politiques publiques, pour donner des points de vue, pour construire ensemble cette société. Voilà ce que je peux dire sur ce projet de loi. Et peut-être que Romain va nous dire, pour l'instant, évidemment, avec les élections, on est dans une période un tout petit peu creuse quand même, puisque pour l'instant, c'est très difficile d'avoir le moindre débat politique un peu sérieux, j'allais dire, en France, à cause des élections régionales et des présidentielles qui suivent derrière. Et c'est aussi l'occasion pour interpeller les candidats, mais c'est un peu plus complexe. Voilà ce que je peux dire rapidement, en espérant que je n'ai pas parlé trop vite. Juan, je te laisse. Merci du coup, Bénédicte, et merci Xavier. Et Juan, je te laisse la parole pour poser tes questions et tes remarques. Bien. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous parler d'ici du Brésil. Alors, comme j'ai appris juste à l'instant qu'il fallait que je fasse aussi un résumé, j'écrivais et il faut que je pense aux questions en même temps. Alors, je vais essayer de m'y reprendre un peu mes notes ici pour voir. Bon, je vais pas vraiment. J'ai en fait une question que je veux poser au sujet du projet de loi, mais je voudrais surtout faire des remarques pour lancer un peu le débat. Donc, je me présente rapidement. Je suis professeur à l'Université de São Paulo en urbanisme. J'ai été à São Paulo chargé de la politique de logement de la ville pendant un gouvernement du maire qui s'appelle Fernando Haddad, qui était candidat à la présidence contre notre actuel président très compliqué, Bolsonaro. Donc, je suis chercheur d'un laboratoire, le Labiab, qui co-organise, puisqu'on parle de coproduction, on co-organise ce projet de recherche Copolis, France-Brésil, donc ANR, et ici FAPESP au Brésil, donc avec Agnès de Boulay, je suis son correspondant pour le projet ici au Brésil. Alors, moi, je voudrais commencer en faisant une remarque qui peut-être va vous surprendre un peu, parce que je comprends tout à fait, hein, je me mets à votre place et je sais que en étant à la place de ceux qui font cette lutte quotidienne contre ce type d'intervention, on a toujours une sensation que c'est une lutte très difficile, une lutte des fois un peu perdue. Xavier nous a dit d'une grande défaite désastreuse en 2019. On a la sensation d'être très impuissant auprès de ceux contre qui on est en train de se mettre, de plaidoyer. Et en fait, moi, je voudrais, d'un point de vue du Brésil, faire un raisonnement opposé. Ça veut dire vous dire que pour nous, probablement, d'ici, ce qui nous apparaît, c'est le contraire. On est complètement ébahi du fait qu'il existe ce type, cette possibilité d'une mobilisation aussi forte, aussi impressionnante, aussi citoyenne et capable d'avoir des résultats quand même très concrets, d'un point de vue technique même, puisqu'il y a une proposition de loi. Et donc, moi, je voudrais ressortir les aspects que je trouve qui sont très positifs. Ça veut dire, d'abord, le fait que c'est très important, et je pense qu'en fait, c'est un peu le sens de la lutte à laquelle vous participez, c'est qu'en France, il y a encore avec qui dialoguer et contre qui dialoguer. Ça veut dire, même s'il est déconstruction et destruction, il y a un État, quoi, il y a une ANRU, chose qui ici est absolument inexistante et impensable. Donc, il y a une ANRU qui vient avec toute sa force de tracteur à passer par-dessus tout le monde avec des intérêts qui sont apparemment très questionnables. Mais il y a une intermédiation entre les intérêts que l'on peut imaginer qu'elle défend, les intérêts de marché, les intérêts de gentrification, etc., et les intérêts des citoyens. Mais donc, il y a un intermédiaire, et moi, je trouve que c'est très… Ce qui, pour moi, donne beaucoup d'importance à cette lutte, c'est le fait que vous luttez aussi pour la manutention de l'existence de ces intermédiaires publics qui sont encore existants et peuvent peut-être encore être changés. Et ce qui permet qu'il y ait une mobilisation qui souvent commence par des aspects qui, pour nous paraissent tout simplement incroyables. Hein. Pouvoir commencer une mobilisation comme celle que vous nous dites à partir de la constatation qu'il y a deux arrêts de bus de moins ou que la place va être détruite, pour nous qui commençons des mobilisations, puisque les arrêts de bus, on n'en a carrément pas en périphérie et on n'a pas d'assainissement, on trouve ça absolument incroyable et très, très, très, très, disons, important de voir qu'il est possible de faire ce type de mobilisation et qu'à partir de ce type de mobilisation sur des aspects de la vie immédiate des citoyens qui sont là, on peut mener, disons, des actions qui vont très loin du point de vue de leur possibilité de transformation dans le cadre du projet de loi. Donc ça, c'est une première chose qui m'a semblé très belle et qui, je pense, est très intéressante. Après, on a des rapprochements qui sont intéressants parce que, par exemple, ici, la lutte, elle est plus franche. Ça veut dire l'État, il est complètement subordonné aux intérêts du marché immobilier. Et donc, les grands projets qu'on arrive et qui veulent démolir, ce ne sont souvent même pas des projets de rénovation urbaine, ce sont des projets d'intervention du marché dans des secteurs de la ville qui n'ont eu aucun intermédiaire d'agence ou de c'est un secrétariat qui est là pendant 4 ans, qui décide, qui fait voter avec ses amis là à la Chambre des députés municipaux peut-être des fois une loi, mais souvent ils ne le font même pas, et qui carrément vont passer le tracteur sur des secteurs où il y a énormément de gens qui vivent, mais non pas dans d'anciens ensembles, mais surtout dans des établissements humains précaires, ça veut dire des favelas, des gens qui vont être expulsés de là où ils sont, alors qu'ils étaient déjà dans une situation de précarité et d'informalité. Donc, c'est complètement différent parce que c'est carrément le western, c'est carrément le Far West. C'est une lutte beaucoup plus intense, mais d'un autre côté, elle est très importante pour les Français parce que je pense qu'elle peut montrer dans un horizon pas si lointain que ça à quel point on peut en arriver au cas où vous perdiez ces instances encore de discussion démocratique qui existent toujours. Donc, je pense que ça, c'est pour donner une espèce de bonne image de ce qui est fait, parce qu'on peut arriver encore à une absence complète de l'État. Et là, quand il y a une absence complète de l'État, l'État, il devient simplement, disons, le soldat des intérêts les plus démesurés et les plus inexplicables du marché immobilier sur la ville. Après, cela fait que souvent ici, quand on a des disputes plus fortes, on réussit à avoir quelques victoires, comme par exemple l'obligation d'avoir dans ces projets très violents, l'obligation d'avoir des auditions publiques, des audiences publiques qui, soi-disant, définissent la participation. Donc là, je pense qu'il y a un autre point très important qui est le fait que vous proposez une participation qui est une participation propositive, c'est-à-dire une association qui propose un projet de rénovation urbaine. Ici, ce qu'on a réussi à avoir comme participation, c'est simplement que l'État arrive et nous montre ce qu'il a proposé. Et le fait qu'il fasse une audience publique, c'est déjà « ok, la loi va dire « ok, il y a eu participation ». Ça veut dire qu'il arrive avec le projet complètement prêt, sans aucune possibilité de changement. Alors qu'il y a une différence quand même dans le fait que vous commencez par faire une proposition de projet en soi qui est différente, donc par mettre côté à côté et juxtaposer par rapport au projet de l'État, de la municipalité, un autre projet qui part d'une organisation citoyenne. Et là, je pense que c'est déjà un très bon point aussi de ne pas être complètement soumis à des choses qui viennent prêtes et qui souvent font qu'ici au Brésil, ce qu'on appelle la participation, c'est en fait que des espèces de théâtre de participativisme. Voilà. Donc, le fait que vous puissiez rester d'aussi longues années dans des batailles qui se soutiennent quand même, je pense que c'est une autre chose qui m'ébahit et que je trouve qui est incroyable. Parce qu'ici, les choses sont très rapides. Ça veut dire qu'en 3-4 mois, on perd les batailles et les tracteurs passent sur les gens. Après, il y a une autre discussion très importante que Bénédicte a apportée, que je pense qui vaut la peine d'être discutée. C'est un peu cette histoire de comprendre que la rénovation urbaine, c'est le logement. En fait, par le fait très simple que les projets de rénovation urbaine, ils vont détruire des habitations, des logements, donc ça commence par là. C'est peut-être pas une lutte pour des nouveaux logements, mais c'est en tout cas une lutte pour éviter que des logements soient détruits. Donc, c'est une lutte pour le logement. Et ensuite, parce que les projets de rénovation urbaine, ils ont une portée à long terme qui affecte la situation du logement parce qu'ils vont affecter la sociabilité, c'est-à-dire les relations sociales, économiques, capitalistes, etc., dans ce quartier, à moyen et long terme, et vont provoquer à moyen et long terme d'expulsion des gens par la hausse du marché immobilier, par la hausse du marché de loyer, etc. Donc, je pense qu'il y a une association qui a été faite par Bénédicte très importante entre comprendre l'importance de la rénovation urbaine en relation à une politique, oui, de logement. Ça veut dire apparemment, ce sont des choses qui ne sont pas les mêmes, mais c'est très important de rappeler peut-être aux gens de la dalle qu'il faut faire cette étude. Parce qu'ici au Brésil, on a eu depuis très longtemps une tendance des gouvernements conservateurs, du gouvernement militaire, etc., de séparer ce qui est rénovation urbaine de logement. De telle sorte que, passé 10-15 ans, ce qui est appelé rénovation urbaine, c'est à peine les projets du gouvernement dans les quartiers où il y a de l'urbanisation. Ça veut dire faire des ponts, faire des ponts très chics, ou alors des nouvelles avenues, etc., dans des quartiers qui sont déjà urbanisés, qui sont des quartiers de niveau de rente plus haut, où il y a une expulsion des gens pauvres qui, par hasard, aient réussi à s'infiltrer dans ces espèces de secteurs privilégiés, alors que tout ce qui est urbanisation dans les périphéries, on n'appelle pas ça rénovation urbaine, on appelle ça politique de logement. Ça veut dire qu'on a créé une espèce d'une grammaire de l'urbain où ce qui est appelé politique de logement d'habitation, c'est ce qui est destiné aux plus pauvres, alors que ce qui a le beau nom de rénovation urbaine est destiné aux gens qui habitent dans la ville, en fait. Donc, je pense qu'à moyen terme, cette séparation, elle peut arriver à ce point où on en est ici. Et je pense que ça, c'est très négatif. Donc, c'est très important de le faire. Après, la question que j'avais, c'est pour terminer, hein, parce que j'ai 10 petites minutes, donc je voulais faire ces commentaires en essayant de faire une comparaison très difficile entre la réalité brésilienne et la réalité française, mais c'est un exercice que l'on se propose dans Copolis, donc je pense qu'il faut qu'on essaye de le faire. Mais il y a des apprentissages des deux côtés. Ça veut dire pour nous un apprentissage de comprendre qu'il y a des espaces de mobilisation et que la présence du public, du pouvoir public, est très importante, et de vous montrer aussi qu'elle existe encore en France malgré toutes les difficultés de ces mouvements. Ça veut dire de vous montrer que vous avez encore un très grand potentiel. Et d'un autre côté, un apprentissage aussi pour voir qu'il faut faire très attention parce qu'effectivement, à ce rythme de dégringolage, eh ben, vite, vite, vite, on aura une écalisation par le bas. Ça veut dire qu'on aura une brésilianisation, une sudification des relations politiques, économiques, etc. en France. C'est d'ailleurs quelque chose que je remarque très, très fréquemment quand je viens en France. Comme les demandes qui viennent des quartiers plus pauvres, des grands ensembles, etc., sont de plus en plus ressemblantes aux revendications que l'on a ici au Brésil. Après, la question que je voulais faire plus spécifique, c'est quelque chose que Bénédicte a dit qui me paraît très intéressant, c'est que l'un des points de cette loi est la préoccupation d'associer les habitants au projet de loi qui les concerne. Ce qui est très important, parce que ça rapproche d'une des sessions qu'on a eues dans ce séminaire, où des gens du mouvement ont montré une plaque en disant les projets urbains qui sont faits pour les habitants, sans les habitants, sont souvent faits contre les habitants. Donc, nous, on a beaucoup aimé cette expression, on l'a prise ici pour l'utiliser dans notre projet. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire pour, c'est-à-dire faire avec, et non pas dire qu'on fait pour, par la fin faire contre. Bon, mais il y a une question qui, me paraît très, très importante dans le projet de loi que vous avez montré, qui est le fait que d'une mobilisation locale, d'une question qui part d'une discussion très, très locale qui a lieu donc au départ à Étouvi, c'est ça, vous allez proposer une proposition de loi qui peut s'appliquer pour toute la France, si j'ai bien compris. Et là, c'est ce qui me paraît incroyable, ça veut dire le potentiel que ça peut avoir, qu'à partir d'une expérience très localisée, on puisse créer une règle qui puisse être appliquée pour une réalité qui se reproduit probablement dans énormément de villes, de villes plus grandes ou plus petites en France. Donc, il y a un potentiel énorme. D'un autre côté, il y a une difficulté qui se crée, c'est que lorsque l'on part de demandes très localisées, quand on veut disons, diffuser cette règle pour toute la France, on aura une loi qui donc va essayer de s'adapter à une énormité, une infinité de demandes localisées qui peuvent être complètement différentes les unes des autres. Donc, comment faire pour faire cet aller-retour, c'est-à-dire partir d'une situation locale pour créer une loi qui aura un impact et une intervention nationale, comment elle va faire pour après? Bon, je comprends que dans les points que Bénédicte a posé, il y a la réponse, donc j'aimerais en entendre un peu plus, ça veut dire donner les moyens de participation, faire un référendum, etc. Je pense que c'est les moyens que cette loi aura pour faire le retour, c'est-à-dire ça devra toujours être une loi qui va et vient, c'est-à-dire elle est proposée d'en haut, mais elle arrive à nouveau sur le local pour ensuite permettre de faire des transformations qui soient effectives pour des demandes qui peuvent être complètement différentes de celles qui étaient à l'origine à Étouffie. Voilà. Donc, je termine avec cette question et je vous remercie de l'espace et félicitations en tout cas pour cette très belle histoire. Donc, merci Jouan. Bénédicte, tu veux commencer par répondre ou Xavier? Moi, je voudrais bien apporter quelques précisions. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse sur l'expérience locale qui se retrouve prise en compte dans une proposition de loi. De fait, quand notre collectif s'est adressé à l'association Appui, il s'est adressé à une association qui est en appui auprès d'un centre de lutte dans un certain nombre de quartiers en France. Donc, c'est la rencontre de situations locales qui sont complètement convergentes, même si on est dans des contextes complètement différents. Nous, on est un pauvre quartier très à l'écart du centre-ville sur lequel on n'imagine pas de stratégie de gentrification. Voilà. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, effectivement, à la différence du Brésil, on n'est pas dans de la rénovation urbaine, de la reconquête urbaine, en tout cas chez nous, hein, à Amiens. Ville, grande ville, petite grande ville, 140 000 habitants. Et on est dans une rénovation urbaine qui est officiellement faite pour le bien des habitants. Et comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, on est face à des élus et des professionnels qui savent ce qui est bien pour les habitants. Et c'est quand même ça un très, très gros problème culturel. Et c'est effectivement pas une loi qui le changera non plus, mais voilà, je voulais souligner ça. Ensuite, par rapport au lieu de débat public et à la question des intermédiaires, on s'est trouvé confronté à des élus qui refusaient de dialoguer avec nous, qui refusaient notre légitimité d'organiser des débats publics, puisque les débats publics, c'est le rôle de la municipalité de les organiser, et qui prétendaient privilégier la démocratie directe. Pour eux, la démocratie directe, ben, c'est de décider quelque chose, comme tu l'as dit pour Sao Paulo, et qui viennent le présenter dans une réunion publique, qui font un théâtre de participativisme, et ils appellent ça de la démocratie directe, en refusant les intermédiaires qui sont des associations, des collectifs, des groupes d'habitants qui prétendent donner la parole aux autres, les mobiliser et être à un moment donné, à la conclusion du travail qui était fait, un peu porte-parole. Deux choses rapides par rapport à ce que dit Joao. Je l'ai dit, moi je suis une professionnelle de la politique de la ville et je suis très marquée par Jean-Marie Delarue, qui a été le premier délégué interministériel à la ville, et qui disait la plus grande injustice que l'on fasse aux quartiers, c'est de penser, parce que ce sont des quartiers de la politique de la ville, ils sont tous identiques. sous prétexte qu'ils s'appellent le quartier des fleurs, le quartier des poètes, le quartier des oiseaux, on peut les appeler comme on le veut, mais ça n'a rien à voir entre Dunkerque, les quartiers de Marseille, le quartier de Strasbourg, le quartier d'Amiens, le quartier de Seine-Saint-Denis. On est dans des réalités à chaque fois différentes. Et c'est pour ça que dans le projet de loi tel qu'on le pense, en tous les cas, tel qu'on le défend, c'est plus, j'allais dire, presque un cadre qui permette que réellement les habitants, voire les personnes qui viennent travailler dans ce quartier, les utilisateurs du quartier, entre guillemets, aient réellement leur place pour faire. Voilà, mais c'est plus une loi de, j'allais dire, de méthode, c'est un peu idiot, mais c'est quand même un petit peu, il y a quand même ça derrière, c'est qu'effectivement, donnons les moyens à ceux qui vivent le quartier de pouvoir élaborer un projet alternatif, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir éventuellement soutenir le projet de la mairie. Ça peut arriver que des élus aient des bons projets, on ne dit pas qu'ils sont toujours mauvais. Mais voilà, je pense que c'est quand même très important d'avoir ça en tête, c'est qu'en aucun cas, et ça c'est un des problèmes de la France, c'est qu'on est quand même un pays très centralisé, où ce qui se fait à Brest doit être fait de la même manière à Villetaneuse, ou alors que c'est des réalités radicalement différentes. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce que voilà, c'est quand même un des points qui nous a beaucoup marqué dans l'élaboration de ce projet de loi. C'est évident que la réalité d'Amiens n'est pas celle de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Tous les deux, on vient d'univers un peu différent quand même, même si ça reste des quartiers politiques de la ville, et même si ça reste des quartiers où les habitants ont des choses à dire et ont une vraie connaissance de leur territoire, de leur réalité quotidienne, sociale. Voilà. Moi, j'ai beaucoup vécu à Creil, qui est aussi en Picardie, pas très loin d'Amiens. Ils se sont battus pour avoir un supermarché. À Creil, il n'y a plus aucun commerce en ville. Sur une ville, la ville elle-même fait 36 000 habitants, mais sur l'agglomération, on n'a que des hyper-centres commerciaux tout autour, à 3 km de la ville. Et c'est vrai que quand Xavier parle de se battre pour avoir un supermarché, moi les supermarchés, je déteste ça, puisque pour moi, c'est les hypermarchés qu'on a autour de la ville. Mais en même temps, j'entends bien sa revendication. Et nous, ça serait bien qu'il y ait des commerçants de centre-ville qui reviennent, parce que vous ne pouvez jamais faire vos courses en centre-ville, par exemple, en ville, tout bêtement. Voilà. Chaque territoire a ses réalités différentes. Et on voit bien que, alors c'est vrai qu'il y a d'autres victoires sur les transports en commun, mais que celle de Xavier, il y en a une à Nîmes aussi, ils ont vraiment gagné, ça reste, voilà, sur le dur. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure que l'État est soumis au marché de l'immobilier au Brésil, est-ce que c'est très différent ou est-ce que c'est dit différemment? Le jeu du marché foncier est fondamental en France dans tous les projets de rénovation urbaine. Ça fait des années, moi je vous dis, j'ai travaillé 30 ans en Seine-Saint-Denis. Ce que disent un certain nombre de personnes, qu'est-ce qui gagnera, entre guillemets gagner, hein, qu'est-ce qui arrivera à ce que les quartiers de la Seine-Saint-Denis soient moins en difficulté? Ça va être les Jeux Olympiques? Ça va être le Stade de France? C'est ça? Et qu'est-ce que vont devenir les habitants? Et ça, c'est vraiment c'est pour ça qu'en France aussi, on est soumis au marché. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, ça va être le moment des questions. Donc, il y a Agnès qui posait une question. Peut-être qu'Agnès, tu peux nous la dire, s'il te plaît. Oui. En fait, j'ai deux et maintenant trois questions. Enfin, deux questions et une remarque pour alimenter nos réflexions. Merci beaucoup déjà aux intervenants. C'était extrêmement intéressant. La discussion, j'ai beaucoup appris en t'écoutant, Joao, aujourd'hui. Et évidemment, à nos traducteurs assermentés. Alors, bon, Juste un point. En général, moi, je ne suis pas une partisan acharnée de la théorie de la gentrification généralisée, etc. Je trouve très simplificatrice. Mais il me semble quand même que si l'ANRU injecte de l'argent, ben, il y a deux configurations. En gros, il y a des configurations, effectivement, où l'ANRU injecte de l'argent, beaucoup d'argent avec des collectivités, dans des quartiers où il y a, comment dire, en rétrécissement, quoi, hein, qui perdent des habitants et où des logements sociaux sont vides. C'est le cas dans l'est de la France, dans les ceintures post-industrielles, etc., en reconversion depuis 30 ans. Mais sinon, pour ce qui est des métropoles tendues, et je ne sais pas ce qu'il en est à Amiens, en général, c'est toujours quand même un peu une visée de reconquête, c'est-à-dire franche, pas franche, etc. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée quand même qu'on va... Enfin, c'est même le moteur de l'ANRU, c'est-à-dire que de dire on va substituer une population un peu par une autre, même si ce n'est pas totalement. On va changer l'image. Changer l'image, c'est déjà de la reconquête. Enfin, voilà, donc j'aimerais bien qu'on discute un peu de ça parce que je ne vois pas sinon pourquoi il ferait ce projet, quoi. C'est-à-dire... ou alors, je n'évoque pas... Bon, mais ça, c'est peut-être un point de détail. Ce qui me semble important aussi, c'est de discuter sur les points de... Comment dire, relatif à qu'est-ce qui crée justement de l'empowerment, qu'est-ce qui fait que les habitants restent dans la dynamique, et précisément, est-ce qu'une dynamique comme celle de la campagne d'interpellation qui est venue, qui s'est transformée, etc., etc., qui est un peu une pierre qui roule, quoi, en proposition de loi, qu'est-ce qui fait que des habitants ordinaires, justement, non anciennement politiques de la ville, non universitaires, etc., restent, voilà. Et quels sont les mécanismes de formation, d'auto-formation auxquels on pense, est-ce qu'il y en a besoin ou pas, voilà. Et puis après, je sais plus, j'avais un commentaire sur ce qu'avait dit Bénédicte, mais bon, ça reviendra peut-être ou pas. En tout cas, oui, c'est très important dans notre comparaison avec les histoires de quartiers précaires. Je vois Pedro et Élise qui sont hilares, je ne sais pas ce que j'ai dit de... Mais c'est que oui, quand même, je pense que je crois comprendre dans ce qu'il dit que si j'ai un tout petit peu compris la situation au Brésil, c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus frontal entre une promotion immobilière énorme avec une population en forte croissance, donc qui est beaucoup plus puissante aussi, et une absence de logement social. Et en France, on a des tas d'intermédiations. En fait, c'est vrai que c'est bien qu'il le rappelle parce qu'on voit toujours ce qu'on n'a pas, mais on a beaucoup de choses. On a des bailleurs sociaux qui sont quand même censés avoir une mission de service public. À discuter, on a l'ANRU qui est censé aussi avoir une mission de service public. Et c'est là où on peut avoir des prises qu'au Brésil, j'imagine, vous n'avez pas, puisqu'il n'y a rien entre ce secrétariat-là et les promoteurs. C'est bien ça, en fait. Enfin, j'aimerais bien juste qu'on discute un peu de ça, parce que du coup, ça m'éveille. Enfin, je pense que c'est très important dans la discussion, quoi. Même si, évidemment, on est soumis à la loi du marché, etc., mais ce n'est pas de la même façon et peut-être pas avec la même brutalité. Peut-être, hein, il me semble. Mais voilà. Merci Agnès pour ces questions et remarques. Qu'est-ce qui veut répondre Bénédicte? Xavier. Et ensuite, Bénédicte. Je vais vous mettre ton micro, sinon c'est moi qui parle. Hein. Alors, ça va être prise de pouvoir. Hein. Dans le cas d'Amiens, et je pense que c'est le cas général, en tout cas nous, tel qu'on a perçu la motivation de l'ANRU d'insister, c'est au nom du... Oui, je vais appeler ça le dogme de la mixité sociale. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est rapporté. Mixité sociale, pas chez nous dans le sens d'une gentrification vraiment, ils n'ont pas besoin des terrains de notre quartier pour satisfaire une certaine clientèle. Au contraire, ils vont avoir du mal à attirer des accédants à la propriété. Et ils commencent d'ailleurs par de l'accession à la propriété en location-accession, ça s'appelle PSLA ou quelque chose comme ça, mais et donc c'est un pari, et c'est vraiment le dogme de la mixité sociale qui s'impose. Et l'ANRU, quand le maire d'Amiens a cédé, comme j'ai dit, et ce dont doute Bénédicte, ce qu'elle nous dit officiellement, la maire d'Amiens, c'est que l'ANRU a menacé de retirer complètement son engagement sur ce quartier. Et son engagement sur ce quartier, c'est bien d'autres choses aussi, c'est des dizaines de millions d'euros. Et l'ANRU en fait une condition. Si je ne peux pas supprimer 232 logements, je me retire complètement. Il ne se passera plus rien sur ce quartier. Et la question de l'image du quartier, c'est pas une question d'image pour réduire la stigmatisation et les discriminations dont se sentent réellement victimes les habitants du quartier, dont ils ont totalement conscience. C'est surtout pour pouvoir attirer des accédants à la propriété pour satisfaire ce dogme de la mixité sur place. Et puis sur l'autre question sur la participation des habitants au projet de loi, nous dans notre quartier, j'oserais pas parler de participation des habitants parce que de fait, une fois qu'est remonté vers un travail collectif au niveau national sur cette proposition de loi, il n'y a qu'une quinzaine d'habitants du quartier qui suivent ça, auxquels je rencontre, qui valident des bouts de texte intermédiaires. On n'a pas relancé une popularisation de ce projet de loi pour l'instant. Certainement, le jour où il deviendra public, où il y a des députés qui vont le porter, nous, on va relancer le débat. Mais pour l'instant, c'est plus un débat un peu technique au niveau national, avec mon rôle d'intermédiaire pour garder le lien avec ceux qui ont été à l'initiative de cette idée. Deux choses que je voulais ajouter à Amiens. Oui, la maire, elle a cédé quand même face à l'ANRU. Il y a d'autres élus qui n'ont pas cédé et ils ont gagné. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup d'élus. Je me rappellerai toujours Claude Dillin, qui n'était pas n'importe quel bonhomme. Hein. Jean-Louis Borloo vient le voir et lui dit « Tu vas me démolir combien de logements ?» Le quartier, c'était 3600 logements. Et Claude Dillin répond « 300 ». Il dit « Ah, pas question, tu en démolis 3000. Minimum 3000. » Et Claude Dillin a fini, il a négocié, il a fini. Aujourd'hui, ils auront démoli quasiment les 3600 logements. Voilà. Avec des nouveaux quartiers qui rentrent aujourd'hui. Il y a d'autres élus qui ont tenu bon. Et c'est d'autant plus difficile, c'est que, par exemple, le grand ensemble de Clichy-Montfermeil, alors c'est réputé puisque c'est là que... C'est un quartier très symbolique, mais c'est un quartier qui était construit en copropriété où ont habité Charles Aznavour, Sylvie Vartan. C'est quand même... c'était pas des quartiers complètement... Et c'est parce que, à cause de la crise économique, les voies rapides pour rejoindre aux zones d'activité de Roissy, Marne-la-Vallée et Paris n'ont pas été construites, que progressivement, les gens qui avaient acheté au début sont partis. Je veux dire, c'était au niveau de la construction, au niveau de la qualité du logement, c'était d'un... Voilà. Simplement pour dire qu'il y a des élus qui ont résisté. Et il y en a qui n'ont pas résisté face à l'ANRU. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et je pense que ta Brigitte Forest, c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'avait pas du tout envie de résister. Voilà, c'est tout. Deuxième chose que je voulais dire sur le mécanisme d'engagement. Ce qu'on peut voir, alors aussi bien, je vais prendre deux exemples que connaît bien, enfin surtout un que connaît bien Appui, l'autre c'est plus Frasson qui était là dès le début, Saint-Denis et Melun que j'ai cité. Hein. Saint-Denis, deux femmes, entre autres, sont tirées au sort pour être dans le Conseil citoyen. Et elles se prennent au jeu en disant « Ah, si on est tiré au sort, on va s'en mêler. » Et c'est vrai que le fait... moi, je me rappelle, j'avais animé une journée de tous les conseils citoyens de pleine commune avant que Appui n'arrive sur les projets de rénovation urbaine. Et ce qui était vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'elles découvraient un monde qu'elles ignoraient totalement, mais le fait que Appui soit venu et les ait aidés aussi à Du coup, elles sont réellement prises au jeu en se disant on a des moyens de finalement de prendre un peu de pouvoir sur nos vies, quoi, pour aller vite. Hein. Je trouve que c'est important. À Melun, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, elles ont trouvé quelqu'un de passe en nous qui est venu les aider, qui leur a permis d'analyser le projet de rénovation urbaine pour leur montrer que le projet était nul et non avenu. Et c'est vrai que les personnes, elles avaient gagné, elles étaient très contentes, elles sont venues présenter leur victoire à l'université à Grenoble, là, l'université d'été des luttes, je sais plus comment ça s'appelait, enfin bon, c'est pas grave. Et le problème, c'est qu'après les élections, le maire réélu décide de remonter à la charge. Donc là, c'est là qu'avec appui à nouveau, il y a alliance pour arriver à les... Mais n'empêche que les gens, ils ont tout de suite trouvé les personnes. Et là, ce sont vraiment les personnes elles-mêmes qui sont venues les chercher. Et je pense qu'un des moteurs de la participation, c'est quand on commence à gagner. On a gagné sur un petit point et du coup, on a envie d'aller plus loin. Et c'est franchement... Alors, bien sûr, moi, je suis un peu marquée par ça, mais l'étape de concertation au Québec et ce qu'on veut avec l'étape de quartier, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on gagne sur un petit point, mais du coup, ça donne envie d'aller se mêler de ce qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire de ce qui est sur le quartier, mais qui n'est pas forcément directement votre combat à vous, parce que d'autres sont venus vous soutenir dans votre combat à vous et que vous avez pu gagner. Et ça, je pense que ce mécanisme-là, c'est un mécanisme très vertueux qu'il faut entretenir. Hein. Il n'est pas si simple. Mais il y a quand même, là, ça n'a rien à voir avec cette participation participativiste, je reprends le terme qui a été pris, cette participation spectacle qu'on veut bien nous proposer en permanence. Et pour moi, c'est vraiment, là, il y a réellement un verrou qu'il faut faire sauter. Bien, merci pour vos réponses. Il y avait Sylvain qui avait une question. Sylvain, est-ce que tu veux dire ta question à voix haute, s'il te plaît? En te montrant. Ah. J'ai une connexion Internet un peu instable, donc si jamais je disparais, c'est voilà, des conditions techniques. Alors, ma question, c'était sur la mixité sociale, parce que dans le sens de faire venir des moins pauvres chez les pauvres, pour simplifier, on voit très bien avec ce que tu disais, Xavier, sur l'accession à la propriété, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont délogés ou en tout cas dont les logements sont détruits? Quelles sont les propositions qui leur sont faites? Et du coup, est-ce que ce dogme de la mixité sociale, vous le voyez, je sais pas, par exemple, à l'échelle de Amiens, c'est-à-dire la construction de logements sociaux dans des quartiers où il n'y a pas de logement social? Comment ça se passe du côté de chez vous? Et du coup, aussi, ma question, c'était en conséquence, la proposition de loi, est-ce qu'elle concerne les périmètres politiques de la ville, rénovation urbaine, etc.? Ou est-ce qu'on sort des périmètres définis par l'État? Bien répondre à la première question, puis laisser Bénédicte sur la deuxième, parce que je ne sais pas bien quoi répondre à la deuxième. Les relogements, plus des trois quarts des habitants, et plutôt 80%, souhaitent être logés dans le quartier. Certes, il y en a quelques-uns qui veulent partir. C'est surtout ceux qui ont une histoire moins longue dans le quartier. Ce n'est pas leur village. Ils sont arrivés là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils subissent les désagréments, surtout des trafics de drogue, hein, qui perturbent la vie du quartier. Voilà. Mais ceux qui ont passé leur vie là, qui sont nés là quelquefois, ne veulent pas partir. De fait, comme la règle de l'ANRU sur la mixité sociale interdit de reconstruire des logements locatifs sociaux dans le quartier, sauf dérogation exceptionnelle sur laquelle on s'est battu et qu'on a obtenu pour une petite trentaine de logements, mais à condition qu'ils soient spécifiques pour des personnes âgées, mobilité réduite, Le principe, c'est de la reconstruction de des locatifs sociaux démolis ailleurs dans la ville, hein, dans un émiettement dans la ville. On n'est d'ailleurs plus dans la reconstruction un pour un. Donc, globalement, ce que gagne la maire d'Amiens, c'est une réduction du volume de logements locatifs sociaux sur sa ville. Et pour répondre à Agnès tout à l'heure aussi, on n'est pas dans une ville très tendue, mais on n'est pas dans une ville où il y a du logement locatif social vacant en quantité. Et dans notre quartier, les logements qui sont vacants, pour moi, sont des logements de vacances volontaires. C'est des immeubles sur lesquels le bailleur et la collectivité locale ont renoncé à garantir la tranquillité de vie des habitants, et où le bailleur soit définitivement décide de ne pas reloger pour ne pas être ennuyé avec les réclamations de locataires, soit ne trouve pas de locataires parce que c'est des immeubles pourris. Donc, selon une vieille technique, on démolit là où on a été en échec sur le plan social et quelle que soit la qualité des logements. Et donc, donc, il y a des logements qui vont être démolis, qui sont déjà vides, parce que depuis 10 ans, il y a une politique de tout doucement de ne pas relouer certains logements. Et puis, deuxièmement, il y a des gens qui vont prendre leur tour pour attendre qu'un logement se libère dans le quartier. Et au lieu que ce soit un habitant venant de l'extérieur qui arrive dans les logements libres qui ne sont pas destinés à démolition, ils vont prendre leur tour pour venir prendre leur place parce qu'à plus des trois quarts, ils veulent rester dans le quartier. Bénédicte. C'est sûr, de toute façon, on vous l'a dit, il y a une interpellation de la CRU, la Commission Rénovation Urbaine d'Étouvie. Donc, bien évidemment, la dimension rénovation urbaine est complètement importante dans ce projet de loi, mais elle ne concerne pas que la rénovation urbaine, puisqu'on a quand même insisté, peut-être pas suffisamment, mais c'est pour l'instant, sur la démocratisation du logement social plus largement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en cas de rénovation que les habitants ont leur mot à dire, c'est aussi beaucoup plus largement dans le cadre du logement social, et parce que c'est vrai que la rénovation urbaine occupe beaucoup d'esprit pour l'instant en France dans les quartiers de la politique de la ville, puisqu'ils ne savent pas où ils habiteront demain. Il y a plein de gens qui ne savent pas où ils habiteront demain, encore aujourd'hui. Je me rappellerai, moi, Clichy-Montfermeil, quand on leur a dit qu'on va démolir toute la ville, les parents, et en plus Claude Dillin disait qu'il y en a pour 15 ans pour reconstruire la ville. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Où seront nos enfants? En plus, il faut voir dans cette histoire-là, elle est trop complexe et elle a été très douloureuse. Mais en tous les cas, le maire de Montfermeil, lui, il avait démoli avant. Hein, donc là, il était tranquille, il n'avait plus toute la racaille. La racaille, c'est-à-dire tous les immigrés, pour aller vite, hein, selon sa conception à lui. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est claire, c'est que oui, non, ça ne concerne pas que la rénovation urbaine, mais c'est vrai que la rénovation urbaine occupant le devant de la scène au jour d'aujourd'hui pour beaucoup d'habitants dans les quartiers politiques de la ville, l'accent est beaucoup mis là-dessus, mais c'est plus large que cela. Voilà, quand même. On avait une autre question de Claudette. Claudette, est-ce que tu veux nous dire ta question, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci hein, pour ces deux présentations bien, bien stimulantes, bien claires. En fait, c'était une remarque, mais aussi peut-être une question à Xavier Desjonquères. Il me semble que la mixité sociale via l'accession à la propriété, en fait, dans des quartiers en rénovation urbaine qui sont peu convoités, hein, sur lesquels c'est difficile de faire venir, comme vous l'avez dit, des personnes extérieures, se traduit parfois donc par une accession à la propriété de locataires du quartier ou de quelques locataires du quartier qui peuvent y prétendre. Et ce qui, du coup, produit comme effet des différenciations entre habitants qui, jusque-là, partageaient une même condition de vie. Et du coup, je me demandais si c'était des choses que vous aviez observées à Amiens ou pas, ou est-ce que c'est trop tôt? C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, les immeubles en accession sont construits complètement en fin de processus, donc vous n'avez peut-être pas eu l'occasion encore de l'observer, mais peut-être que oui. Voilà, merci. Dans notre quartier d'Étouvie à Amiens, c'est trop tôt pour l'avoir observé, mais on observe quand même des phénomènes qui répondent un peu à la question. Il y a déjà eu des projets d'accession à la propriété sur un terrain qui était des terrains de sport au cœur du quartier, et il y a eu une bataille qui a été gagnée pour empêcher ce projet-là, mais elle n'a été gagnée que parce que les accédants à la propriété n'ont pas suivi. Et l'adjointe à l'urbanisme avait organisé une réunion publique où elle avait fait venir des jeunes issus de l'immigration d'ailleurs, hein, des jeunes couples qui étaient candidats à l'accession à la propriété, et nous avaient dit calmez-vous, arrêtez, il y a assez d'espace vert dans ce quartier, et puis vous voyez ces jeunes qui veulent accéder à la propriété. Sauf que ces jeunes qui voulaient accéder à la propriété, les prix des maisons qui étaient proposées étaient totalement inaccessibles, donc ils ont fini par abandonner les projets. Donc aujourd'hui, les projets d'accession dans notre quartier, pour l'instant, ça commence par du location-accession, donc vraiment le moins cher, hein, et le moins risqué. Mais pour l'instant, il y a un projet qui est officiellement en cours d'élaboration depuis plusieurs années, qui ne voit pas le jour. Et alors, on ne sait pas, mais on suppose qu'ils ont du mal à trouver la clientèle. Et en termes d'accession à la propriété, on est dans un quartier de 3000 logements HLM au départ, avec au cœur du quartier une trentaine de maisons en accession à la propriété, genre coopérative HLM. Et dedans, c'est un parcours résidentiel pour un certain nombre d'habitants du quartier. Au départ, c'était des blancs, et maintenant, c'est de moins en moins des blancs, des peaux blanches qui sont dans ces petites maisons. Mais on est construit en limite des faubourgs amiénois, où il y a des petites maisons ouvrières, toutes petites, qui ne valent pas grand-chose, qui sont accolées au quartier. Le quartier est venu sur des prairies et des jardins contre ces faubourgs. Et ben, de plus en plus, depuis des années, moi depuis plus de 40 ans, 45 ans que je suis arrivé dans ce quartier, il y a des accédants à la propriété du quartier et de toutes les couleurs qui est modeste, qui sont venus habiter dans ces petites maisons qui ne sont pas dans le quartier, qui sont dans les quartiers anciens voisins. Et il y a une espèce de galaxie qui se constitue d'anciens du quartier avec les mêmes réseaux de relations sociales, la même fréquentation des commerces, des équipements publics, des services publics. Je n'ai pas le sentiment que ça crée des coupures. Voilà, il y a des gens qui ont eu de la chance ou qui sont débrouillés, qui ont acheté pour pas grand-chose une petite baraque qu'ils ont retapée. Voilà. Merci pour cette réponse. Vas-y, Bénédicte. Pardon. Une remarque, c'est que l'accession à la propriété ne fait pas la mixité sociale. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça au passage, parce que Clichy-Montfermeil, ben, on l'a vu, c'était 50% de propriétaires occupants. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de mixité sociale. Il y en aurait d'autres en France, notamment en Ile-de-France, que je pourrais citer. Voilà, je trouve que, pour moi, c'est la mixité sociale n'est pas synonyme de propriété ou location. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, Jouan. Alors, je ne vois pas les autres. Mais... Vas-y, Jouan. Oui, non, moi, je voudrais juste faire quelques petites remarques qui me semblent intéressantes sur ce qui a été dit. D'abord, Agnès a tout à fait compris ce que je voulais dire en parlant des points de prise qui existent encore. Par exemple, là, c'est un exemple. Hein, je suis tout à fait d'accord avec la question de l'accession à la propriété pour la mixité sociale et l'importance du logement, du locatif. Et bah, simplement, au Brésil, on n'a jamais eu de locatif, quoi. On n'a que de l'accession à la propriété. Donc, ça montre bien, justement, ces différences que je voulais parler. Après, Xavier, moi, je trouve qu'il y a une discussion que je trouve très intéressante par rapport à ce que Xavier dit, c'est que moi, ce que je suis en train de dire, et que Agnès a très bien traduit, c'est qu'il y a donc beaucoup d'intermédiaires encore, à commencer par l'ANRU, beaucoup de prises, mais, et c'est exactement ça, par rapport à nous, les choses sont plus frontales. Mais d'un autre côté, donc je trouve que ça c'est bien, il faut faire attention à ça, il ne faut pas perdre ça. Mais d'un autre côté, ce nombre d'intermédiaires permet aussi qu'il y ait une espèce d'une dynamique plus perverte, parce que ça veut dire qu'on s'utilise de ce bagage démocratique, de ce bagage de keynésien, de participation de l'État, etc., pour en transformer en un discours qui permet de faire passer, au fond, les mêmes disputes et les mêmes intérêts du marché foncier immobilier. Ça veut dire quand Xavier il dit que la force qu'a le discours de dire non, mais on fait ça pour le bien des habitants, parce qu'on est légitimé en tant qu'État par toute une histoire, hein, par toute une culture que nous, ici, on n'a pas. On est légitimé de dire l'État travaille pour le bien de tous. Ce qui, ici, au Brésil, n'existe pas. L'État ne travaille pas pour le bien de tous. C'est tout simple. Alors qu'en France, il y a cette histoire. Et en fait, on se rend compte combien cette histoire, elle est un peu utilisée pour être, disons, pervertie, pour au nom de cette tradition dont on travaille, pour l'utiliser comme un instrument de domination et de dire, bah, en fait, vous, les habitants, vous y comprenez rien. Les débats, il faut qu'ils soient faits au sein, parmi les élus, parce qu'en fin de compte, on a été élus pour ça. Et ce qu'on remarque, c'est un éloignement des élus de leur propre électorat. Ce qui est la caractéristique centrale de la politique dans les pays sous-développés. Les élus ne représentent rien, ne représentent pas d'idéal, pas d'électorat. Ils représentent seulement les arrangements politiques et financiers qui ont été faits pour qu'ils puissent être là, soi-disant en train de représenter des gens. Donc je pense que voilà, c'est intéressant parce que c'est pas que je veuille dire que c'est que bien. Hein, je veux dire, il y a des intermédiaires et souvent aussi. Cela complique le discours parce que ça met énormément d'éléments intermédiaires, etc., qui nous font ne pas voir que, au fond, il y a effectivement dans l'action de l'ANRU, de ceux qui regardent ici de dehors, effectivement une forte, disons, influence d'intérêts qui sont d'intérêts fonciers, etc., ou alors même culturels, d'une rénovation urbaine hygiéniste, comme on dit ici au Brésil. Ça veut dire rénovation urbaine qui ne bénéficie que certains et pas tous. Voilà. Donc je trouve que le débat est super intéressant à observer de ce point de vue. Voilà, c'était juste quelques petites remarques. Oui, Xavier. Ce qui conduit à ce que dans le quartier d'Étouvie dont je parle, dernière élection municipale, 75% d'abstention. Et les élus ne sont même pas élus par 25% de la population, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les listes électorales. Soit par négligence, soit parce que elles sont pas de nationalité française. Voilà, donc, et que parmi ceux qui ont voté, il y en a une toute petite minorité qui a voté pour l'équipe en place. Mais voilà, ça montre le décalage qui vient d'être évoqué. On a une Guy Giraud voudrait prendre la parole. Ah, on ne vous entend pas. Marie, ouais, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Oui, je trouve tout vos séminaires extrêmement intéressants. J'ai une petite remarque à faire là. J'ai une barbe blanche. Et donc, dans les années 70, 73, nous sommes-nous battus beaucoup pour maintenir des populations au centre-ville, hein, notamment dans des quartiers populaires. Je suis de Strasbourg, pour juste préciser un tout petit peu les choses. Et effectivement, avec l'ANA, on est arrivé à faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où les conventions se sont arrêtées? Eh ben, les propriétaires ont viré toute la population immigrée, des familles, etc., etc. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est en train de se jouer avec l'ANRU. L'ANRU a des stratégies, si vous voulez, les cités périphériques sont très proches des centres-villes. Nous, les cités, elles sont à 10 minutes avec le tram. Et il y a eu, après, la construction au-delà, en première et en deuxième couronne de la ville de Strasbourg. Et aujourd'hui, toute la stratégie de l'ANRU, et c'est pour ça que la démolition pour l'ANRU est extrêmement importante, c'est de mettre en place quelque chose à long terme qui va permettre de faire que les gens vont partir. On a participé, et beaucoup peut-être d'entre vous aussi, on participait aux luttes urbaines. Et la bourgeoisie a une grande peur des luttes urbaines, parce qu'effectivement, là, il y a eu des mouvements qui ont été puissants et qui ont pu faire reculer un certain nombre de choses. La stratégie de l'ANRU, c'est on fait soi-disant de la mixité, donc on fait de l'accession à la propriété, et ça a été très très bien dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais même dans les logements neufs reconstruits en logement social, la surface est plus grande, ce qui veut dire que les loyers sont plus importants. Alors, pour l'instant, on dit aux gens, ah, mais vous inquiétez pas, l'APL va compenser. Mais le jour où le premier gamin s'en va, eh ben, l'APL baisse, et donc ça veut dire que des gens ne vont plus pouvoir payer leur loyer. Et donc, ils vont partir, sauf qu'ils ne vont pas partir de façon massive, ils vont partir au compte-gouttes. Et je pense que si on met un peu les stratégies de l'ANRU en perspective, on risque de voir que dans 5, 10, 15 ans, eh ben, un certain nombre de cités, en tout cas de chez nous, auront complètement disparu et que on aura quelque chose pour les couches moyennes, en gros, voilà, hein, moyennes voire moyennes supérieures. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Moi, juste, je rejoins complètement ce que vient de dire Guy Giraud. Hein. On le voit de manière très très claire. On l'a vu d'ailleurs dès le début, et pas forcément d'ailleurs que sur les premiers logements qui ont été... L'ANRU s'était engagé, vous payerez le même loyer, sauf que quelquefois la taille du logement était divisée par deux. Et donc on a vu comme ça des familles, et notamment les premiers bâtiments, là je parle de la Seine-Saint-Denis, hein, qui ont été démolis et qui étaient les plus anciens, avec les populations les plus âgées, et ça a été vraiment des situations totalement dramatiques, puisque les personnes n'avaient même plus un appartement de manière à pouvoir mettre leurs meubles. Et on leur disait, bah, c'est pas grave, il y a des garde-meubles, vous les mettrez dans un garde-meubles. D'une certaine manière, ce que disait, je me rappelle, un professionnel qui travaillait sur l'accompagnement pour le relogement, il disait, de fait, on tue toutes ces personnes qui ont... Et moi, j'en ai beaucoup rencontrés dans le cadre d'associations, et on voit à quel point ça a été pour beaucoup de personnes absolument dramatique humainement. De fait, on les aurait, et ces mécanismes-là, bien évidemment, ils sont à l'œuvre. Et c'est sûr que dans la petite couronne de la Seine-Saint-Denis, notamment autour de Saint-Denis, du Stade de France, au Vervilliers, on voit bien comment ça se transforme au jour d'aujourd'hui. Si on prend une ville comme Pantin, si on prend donc une ville comme Pantin, on voit bien à quel point la population est en train de complètement se transformer sous couvert de l'ANRU. Voilà, donc c'est quand même... on avait déjà l'habitude que des villes comme Montreuil soient déjà assez transformées, Saint-Ouen... mais on avait deux villes qui n'avaient pas à se transformer, c'était Aubervilliers et Saint-Denis. Parce qu'il y a une coupure urbaine très importante. Il y avait une coupure urbaine très importante. Pour Aubervilliers, c'était les ateliers, c'était tous les entrepôts de la Cernam, donc 2 kilomètres d'entreprise, on va dire, de non-ville, entre guillemets. Et Saint-Denis, c'est la plaine de Saint-Denis, avec là où était aujourd'hui, c'est urbanisé. Et très vite, on va voir comment ça va se transformer. Parce qu'il y a cette continuité urbaine et qu'on n'a pas l'impression d'être exilé à 2 kilomètres de Paris quand on va habiter à Saint-Denis. On a Xavier. J'ai pas la même perception que Guy Giraud sur la taille des logements. Moi, en 1974, quand je suis arrivé dans ce quartier, dans un F4, j'avais deux enfants, Il faisait 84 mètres carrés, d'un confort spacieux, grand, bien, voilà. Aujourd'hui, on n'offre pas aux gens des logements HLM hein, de la même taille et surtout la même configuration. Parce que même à surface équivalente, ce qui n'est pas le cas parce qu'on avait des beaux logements, les normes font que les couloirs, les sanitaires ont plus de surface pour respecter les normes handicapées, ce qui fait que les pièces de vie sont plutôt plus petites qu'avant, qu'on ne peut plus déjeuner dans la cuisine. Et donc, ce que disait Bénédicte sur le garde-meuble, voilà. Et donc, c'est vraiment des drames. Les habitants ont vraiment le sentiment qu'il est une réalité de perdre de la surface et de perdre de l'habitabilité. Et de la qualité du logement. Et de la qualité du logement. Jouan, tu voulais poser une question. Oui, moi j'ai une question, c'est que je suis bien d'accord, j'observe un peu les mêmes phénomènes que Guy vient d'expliquer, Bénédicte était bien d'accord. Moi, ma question, c'est si l'on a effectivement un processus qui en fait ressemble à ce qui a été fait ici au Brésil depuis 1500, qui est de production d'une ville de classe moyenne et de classe haute et d'expulsion petit à petit des gens plus pauvres. En fait, ma question, c'est où vont-ils ? Est-ce que l'on peut appréhender qu'il y ait donc à moyen terme une forte possibilité de parution d'une informalité de favela, de bidonville à nouveau en France ? Parce que ces gens-là, ça veut dire quand même l'allocation sociale qui était pour les plus pauvres, elle avait ce rôle, elle a quand même eu beaucoup d'importance en France. À partir du moment où elle n'existe plus, où même les HLM sont déjà dirigés par des classes un peu plus hautes, que les HLM les plus bas sont détruits, que les projets urbains ont une tendance à la gentrification, que les gens doivent sortir de là où ils sont, etc. Mais si cela n'est pas associé à une amélioration économique, ça veut dire les gens pauvres, ils vont continuer ou même ils vont augmenter. Donc, ça veut dire à moyen terme, on se retrouve dans un scénario qui est de sous-développement, c'est-à-dire d'une production d'une ville qui va se diviser en deux et il y aura une forte partie de la population qui n'aura pas où habiter et qui va donc essayer de trouver des alternatives non officielles, des alternatives informelles, etc. Est-ce que vous voyez là un horizon possible ou est-ce qu'il y aura d'autres politiques qui vont se mettre en place pour éviter cela ? Une des politiques, c'est mettre tout le monde dans un avion et renvoyer je pense qu'il y a trop de monde et il y a beaucoup de Français de nouvelle génération, donc c'est pas. Mais donc, comment résoudre cette question ? Ça veut dire comment éviter que ce modèle urbain n'emmène pas à une situation de ville divisée entre pauvreté et richesse comme on a dans les pays du Sud. Voilà, c'est ma question. Enfin, pas très simple, hein, mais une réflexion juste. Xavier. Ah, pardon. Christine Lelévrier a beaucoup travaillé sur ces questions-là avec ses étudiants, sur où partaient les gens. En fait, en tous les cas, dans les premières années de la rénovation urbaine, dans les 10 premières années ou 15 premières années de la rénovation urbaine, 10, on va dire, 10, 12, 20% des gens disparaissaient et personne ne savait où ils allaient. Voilà. Et en moyenne, entre 15 et 20%, les gens partaient avant d'être expulsés pour rénovation urbaine. Moi, c'est des situations que je connais. C'est des personnes qui n'avaient pas le droit à la rénovation, à être relogées parce que, on découvrait au moment de la rénovation qu'ils étaient sans papier, même s'ils étaient là depuis 20 ans en France à travailler avec leurs gamins tout à fait normalement. On découvrait que c'était sans papier. Les familles qui hébergeaient leurs enfants dans leur logement avec leurs petits-enfants, puisque crise du logement en Île-de-France, quand même, qui est très forte, la pression est très forte, si on démolissait votre logement, les deux étaient relogés. Si on le rénovait, vous gardiez votre fils, votre fille, son mari ou sa femme et ses gamins chez vous. Des situations comme ça, on en connaît plein. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits. Moi, j'ai bien connu les travaux de Christine Lelévrier, qui a beaucoup travaillé ces questions-là. je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû en faire aussi, qui montrent qu'effectivement, il y a quand même une inconnue sur ce que sont devenus un certain nombre de personnes, en tous les cas pour l'Île-de-France. Ça, c'est sûr. Xavier ? Un exemple, un des trois immeubles menacés de démolition, on s'est battu contre la démolition uniquement par rapport au type de logement qu'il y avait dedans. Pas pour la qualité de la barre, une longue barre, pas forcément très attrayante. On avait bien compris qu'ils voulaient la démolir parce qu'ils veulent construire sur l'ancien terrain de l'école qui est juste en face de l'accession à la propriété et qu'ils auront du mal à vendre l'accession à la propriété en face d'une barre typique HLM qui n'est pas très haute. Hein, qui est... Mais cet immeuble-là, c'est le seul immeuble du quartier où on a des tout petits logements, des studios ou des types 2. C'est un immeuble qui date de 1957 et où on a les plus bas loyers. L'investissement est totalement amorti. C'est donc l'immeuble où atterrissent, j'allais dire échouent, mais non, atterrissent. C'est la planche de salut de personnes qui sont en détresse, dont la famille a éclaté, de gens du quartier. Hein. C'est vraiment un lieu du quartier pour les gens du quartier où on vient atterrir le temps de se refaire. Voilà. Et ben, cet immeuble-là, la moitié devrait être démolie. Alors, comme sa démolition est prévue en 2024, on espère peut-être encore réussir à faire revenir sur la décision. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On le voit ailleurs sur le quartier. Des familles en détresse, familles qui éclatent, situation économique très difficile, et bien c'est de la cohabitation, c'est de l'hébergement par des amis, par la famille. Donc, c'est du surpeuplement. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on observe dans le quartier. Ce qui veut dire que, alors, en plus, pendant le confinement, vous imaginez les enfants qui doivent faire leurs devoirs dans un logement de 2-3 pièces avec deux familles qui y vivent, la promiscuité dans les chambres à coucher, enfin voilà. Il y avait une intervention de Guy. Il y a un phénomène qui est effectivement en train de se passer que bon, vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes dans un univers très très urbain. Et que nous, l'avantage de Strasbourg, c'est qu'on a à un quart d'heure, 20 minutes, on a les Vosges. Et je travaille avec des maires des petites communes. Et ils me disent, nous avons une population qui arrive des cités périphériques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans ces petites communes, il y avait des bâtiments qui n'étaient plus utilisés depuis 10, 15, 20 ans. Il y a des marchands de sommeil qui viennent, qui vous dévisent tout ça en appartements. Et leur stratégie, c'est juste de récupérer en partie les allocations logement. C'est juste ce qu'ils veulent. Alors, je ne vous dis pas les difficultés. Les difficultés, elles sont que ces maires n'ont pas d'assistante sociale. Hein, c'est des gars qui... voilà. Donc, ils jouent les assistantes sociales. Je ne vous dis pas... les gens ne sont pas très, très bien accueillis en milieu rural, sauf à quelques endroits où il y a eu un travail de fait intéressant, mais surtout ceux qui sont très très loin de tous les services qui pouvaient les aider à vivre ou les tenir au moins au-dessus de la surface de l'eau, quoi. Et là, il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place. Il y avait un très très bel article dans le Monde diplomatique il y a 2 ans ou 3 ans, au mois d'août, qui montrait bien ces difficultés, parce qu'en plus, ces logements sont des logements qui sont, d'un point de vue du chauffage, catastrophiques. Donc, tant que c'est l'été, ça va, mais l'hiver, c'est abominable. Quoi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire ou question ou... Moi, j'ai juste envie d'ajouter une chose, c'est qu'on voit aussi dans certaines villes où il y a il n'y a aucune pression immobilière, où tu as des familles entières qui viennent s'installer. Et les femmes, familles immigrées, les femmes sont enfermées dans leur logement avec les gamins et les maris partent travailler sur la région francilienne pendant toute la semaine et ne rentrent que le week-end. Et ça, c'est des nouvelles formes d'organisation sociale, on va dire. Je ne sais pas si ça s'appelle mais c'est des villes comme Châteauroux, des villes comme Cherbourg-Octeville, où là, enfin, je me rappelle à Cherbourg, il y avait tout un quartier en rénovation urbaine. Et en fait, c'est là qu'ils ont mesuré qu'effectivement, tous les logements étaient occupés par des familles, mais en fait, les hommes n'étaient pas là de la semaine. Ils ne rentraient que le week-end. Parce qu'ils avaient trouvé à se loger, puisque sur la région francilienne, c'était impossible. Enfin, je trouve qu'il y a des phénomènes comme ça qu'on mesure mal, qu'on connaît mal encore. On les découvre quand on travaille. Voilà, quand on rencontre les personnes, mais c'est quand même des modes de vie qui ne sont pas tout à fait acceptables. Merci pour ce complément. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arriver à la fin. En plus, je vois que ça se réduit à peau de chagrin, le nombre de participants. Je vais juste faire un ajout concernant la proposition de loi et ce sera aussi une manière de montrer... Voilà les perspectives de ce travail. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter que Clémentine Autain reprenait une des propositions sur les fonds de contre-expertise. Donc, c'est aussi une manière. Il se trouve qu'une des candidates en Seine-Saint-Denis est membre d'un collectif qu'on a accompagné à Franc-Moisin et elle est candidate pour la France Insoumise. Et je pense que c'est à travers elle que notre proposition a percolé jusqu'à Clémentine Autain. Voilà, et cette candidate, c'était une dame qui était Djangou Traoré, qui était tirée au sort dans le Conseil citoyen et qui est aujourd'hui candidate et qui avait beaucoup milité sur la question du RIC, enfin du référendum contre les démolitions à Franc-Moisin. Voilà, donc on voit que c'est des propositions qui sont progressivement récupérées à droite et à gauche. Voilà. Après, il faudra qu'on voit collectivement comment on continue à porter cette proposition de loi auprès des différents candidats. Voilà. Donc, j'en profite pour conclure et donc pour remercier vraiment Bénédicte et Xavier pour vos présentations. C'était hyper clair. Je trouve que le débat a été très... très intéressant. Du coup, j'en profite aussi pour remercier Jouan. Merci beaucoup pour tes commentaires et ton regard du Brésil. Je remercie également Pedro et Elise qui ont fait une traduction sans nul doute géniale. Et merci également à Marie pour la logistique. Et merci à vous tous et toutes pour vos questions et discussions. Je vous rappelle que la prochaine séance du séminaire Copolis, elle aura lieu le 12 juillet à 18h. Et c'est Julien Talpin qui interviendra et elle est intitulée « Coproduction et rénovation urbaine, l'Almagar, mobilisation et expertise ». Voilà, et Agnès Deboulay en fera la discussion. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous et à bientôt et bonjour à Athènes. Voilà. Merci, merci. Bon, Athènes, rendez-vous de l'antenne. Ouais, Athènes. À bientôt. À bientôt, ouais. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.